Je sais pas trop par où commencer, mais je sais que dans la merde on va finir. Juste besoin d'y croire un peu et non pas d'avancer au feeling. Vu que l'argent nous divise, pas que la haine nous réunira. Ouais, on est plein, on milite pour que le rap vrai ressorte sur la tiraille. Je dis mal, au fond du gouffre t'apercevras les vrais. J'ai juste besoin d'un mic, un sampleur et d'herbe sèche. Aveuglé par la haine, combien ont baisé leur vie bêtement. Ouais, je vais faire de la fraîche, non, j'irai pas baisser mes vêtements. Poteau dealer qu'on rappe comme si on partait tous en guerre. Légendaire comme le Hamas et les Ham, on les enterre. En tête-tête avec ma feuille, hein, gros, j'ai juste besoin de ça. La save, on la piquera, on la ramasse pas, ouais, les vrais le savent. Du béton comme des corps, avec des corps qui tombent. Je repense à mes frérots que j'ai pas vu depuis des plombs. Eh, mais bon, qu'importe l'époque, des fois faut couper les pompes, péter les portes. Et bien sûr, arrêter de tirer des besoin d'un vrai, car là c'est trop. D'un briquet pour cramer le cône. Juste besoin d'un rien, mais on veut tout à part la place au trône. Trop de choses à dire et faire si je gratte, c'est que j'en ai besoin. La peur apathétique, je fais ça pour moi et pour les miens. Ah, j'irai par les morts, plus par le mal que par le bien. Je tire une grosse barre, mes démons se font la mal après 4 juin. Besoin de tout, besoin de rien. Fais juste que le fous, fais-toi un or. On en devient fou, cousin, ça craint. La max, ça crame dans toutes les zones. J'ai juste besoin qu'on me laisse la place et non pas qu'on place en laisse. Toujours avec ceux qui j'étais au fond de la classe dans mes années collège. Faut rester le même malgré ce putain de temps qui passe et blesse par ses troubles. On a voulu constamment prendre du baise. T'es mal les gueules qu'on a, ouais, je crois qu'on reflète bien l'époque. J'ai des potes aux cieux et d'autres bloqués à l'opposé. Du poste, force, pour que la route tourne, il suffit de pas grand chose. Mais surtout de patience, en attendant j'envoie la bonne dose. Ouais frère, juste besoin de faire ce que j'aime, kicker mes pensées pas. Faire du rap dans ma jeunesse, gros, j'y pensais déjà. On se bute au Jack et à la peau d'Hollande. Ouais mais pour mettre des couleurs à sa vie, suffit pas de peu d'orange. Ray, juste besoin de vider mon sac, embarquer tout le nécessaire possible juste avant le naufrage. Nos phrases, on part pas au leurre. Non gros, c'est pas le même délire, c'est pas le même débit. Besoin de le dire, ma gueule c'est 30 fois 1000. Besoin d'un vrai, car là c'est trop. D'un briquet pour cramer le cône. Juste besoin d'un rien, mais on veut tout à part la place au trône. Trop de choses à dire et faire si je gratte, c'est que j'en ai besoin. Loin de la peur apathétique, je fais ça pour moi et pour les miens. Ah, j'irai par les morts, plus par le mal que par le bien. Je tire une grosse barre, mes démons se font la mal après 4 juin. Besoin de tout, besoin de rien. Fais juste que le fous, fais-toi un or. On en devient fou, cousin, ça craint. La max, ça crame dans toutes les zones. Besoin d'un rien, mais on veut tout à part leur place sur le trône. Par leur place sur le trône. J'fais ça pour moi et pour les miens. Ah. Grosse barre, mes démons se prend la mal après 4 juin. Ça crame dans toutes les zones. Ça crame dans toutes les zones. Ça crame dans toutes les zones.